tout de suite s'il te plaît. Tu fais des cours qui servent à rien. Tu m'endors et je baille sur ma table. J'ai mes pensées qui se font la malle. Arrête tout de suite s'il te plaît. Tu fais des cours qui servent à rien. Tu m'endors et je baille sur ma table. J'ai mes pensées qui se font la malle. Wow. La malle. Wow. C'est comme ça et je sais que c'est fatigant pour toi. T'es peut-être pas fait pour ce métier là. Ça serait bien que tu rentres chez toi. Je suis méchant, mais en même temps dans l'affaire tout le monde sera content. On apprendra peut-être quelque chose. Soit tu seras tranquille ou chez toi. Affligeant d'être obligé de perdre son temps. J'essaye de me concentrer pourtant, mais rien à faire, c'est trop chiant. Avec un peu d'imagination, je m'imagine au soleil, une petite bière à la main, des cacahuètes trop salées. Sur ma table, j'ai mes pensées qui se font la malle. Arrête tout de suite, s'il te plaît. Tu fais des cours qui servent à rien. Tu m'endors et je baille sur ma table. J'ai mes pensées qui se font la malle.